ferme ta gueule. Moi je bois et j'en suis fier, je revendique et je m'affiche, car du verre n'est la gaieté. Quand mon verre est plein, je vide, et quand mon verre est vide, je plein, plein, plein, plein de sous-sous, pour voir que je sais pas où. Alors que pour 10 francs, j'ai ma bouteille de blanc dans un monde de tout petits gourmets. Je rigole et je bois, je m'amuse et je crie. Si l'alcool c'est légal, moi ça me rend illégal. Allons enfants de la patrie, allez l'OM et puis tapis. Moi je suis là pour déconner, m'amuser, rire et tout casser. J'ai pas l'intention de me calmer, j'ai des raisons de m'exhiber. Alors buvez pour changer, pour faire son passé et n'être plus coincé. Et buvez pour oublier la chose qui vous a trompé.